squad. Her pants are foreign and her points are good. Everything's a fine underneath that hood. With that motor running, babe, I wanna take her on. Big, big, handy and ready to fall. À 18h, inauguration de l'espace Léo Ferré en présence de Marie Ferré. Au théâtre Léo Ferré, à 20h30, spectacle de Francesca Solville et Jehan, accompagnés respectivement par Nathalie Fortin et Priscille Pacou. Tarif. Bonsoir, vous êtes sur Radio Campus, 106,6 MHz, vous avez choisi Soigne ta gauche, vous écoutez Angle d'attaque, émission des altermondialistes d'attaque, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Aujourd'hui, ce soir, avant-dernière émission, avant le premier tour des élections présidentielles. Vous avez été prévenus, nous consacrons nos premières émissions de l'année 2012 à notre engagement dans la campagne électorale. Nous avons convenu de ne pas donner de consigne de vote, mais nous donnons notre avis sur ce qui fait débat aujourd'hui en France. Les banques ont été notre première cible en janvier, le nucléaire la deuxième en février, en mars, ce jour-ci, nous allons parler de la dette en France et en Europe, et en particulier, bien entendu, dans la zone euro. Cette émission a été préparée en grande partie le week-end dernier, week-end où on a commémoré, vous étiez peut-être à la manif samedi, Fukushima, et également le droit au logement avec cette volonté d'arrêter les expulsions qui sont un véritable scandale social. La campagne électorale, on va en dire un mot quand même, parce qu'il y a toujours quelques réjouissances pendant la campagne électorale. Notre ministre de l'Environnement, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui doit faire plutôt du cheval que prendre le métro, elle a fixé à 4 euros, elle a dit 4 euros le prix de ticket de métro, ce qui la met loin des gens qui travaillent tous les jours et qui prennent le métro à Paris. C'est même plus cher qu'à Londres, 4 euros le métro, d'accord, voir. Plus drôle, c'est le président de la République qui nous dit qu'il joue au poker et il nous dit « si je perds, je m'en vais ». On ne devrait pas faire de commentaires, on vous a dit qu'on ne donnait pas consigne de vote. Mais là, il ne nous aide pas vraiment. Quoi, hein. Bon, soyons sérieux. René, l'actualité d'attaque, et cette fois-ci, elle est brûlante cette actualité, puisqu'il s'agit des assises dont que nous préparons avec plein d'associations de la métropole lilloise. Peut-être au plan national d'abord. Oui, alors au plan national, un petit mot sur le Forum alternatif mondial de l'eau et le Rio plus 20 prévu en juin. Alors actuellement, nous sommes en plein temps fort du Forum alternatif mondial de l'eau qui se déroule du 14 au 17 mars et qui préconise une plus juste répartition de la ressource et un accès pour tous à une eau de qualité. Petit coucou à nos copines Héloïse et Améline qui sont du voyage actuellement à Marseille. Ok. Il s'inscrit de ce fait dans la même dynamique et peut même être vu comme l'un des volets du sommet de Rio plus 20 qui est prévu en juin 2012 et qui, plus global, offrira l'occasion de lier les questions écologiques, sociales et démocratiques. À propos du nucléaire, rappelons que le dimanche 11 mars, à l'initiative du réseau Sortir du nucléaire, une chaîne humaine s'est déployée de Lyon à Avignon, relayée par de nombreuses manifestations locales. Attaque France et plusieurs comités locaux étaient parties prenantes dans cette action. On a vu la télévision. Au sujet de la dette publique, alors depuis la journée des alternatives du 15 janvier dernier, leur dette, notre démocratie, un véritable bouillonnement d'activité s'est emparé d'attaque, tant au plan national que dans les comités locaux. Diffusion d'articles et de communiqués dénonçant les effets des plans d'austérité, notamment en Grèce, mise en garde, pétitions et interpellations des politiques, à propos de la mise en place du pacte européen de stabilité et d'une de ses composantes, le MES, mécanisme européen de stabilité, foncièrement antidémocratique. 18 février, journée internationale de solidarité avec le peuple grec à Paris, rassemblement sur le parvis des droits de l'homme, à l'initiative des travailleurs et des étudiants grecs et d'Attaque France, qui invitait les comités locaux à relayer l'action. Du 5 au 12 mars, semaine du refus de l'austérité, qui a commencé lundi 5 mars à Paris, par un meeting du collectif pour un audit citoyen de la dette publique, salle Eugène Hénaff. Au plan local, à propos du collectif pour un retour en régie publique de l'eau, suite à la journée du 28 février, donc accueil de la caravane en partance pour le Forum alternatif mondial de l'eau de Marseille, et dans la soirée projection du film Water Makes Money, suivi d'un débat intéressant et animé, du fait de la présence de salariés des Eaux du Nord, axés sur la défense de leur entreprise et de leur emploi, une réunion s'est tenue le 7 mars à Lambresse pour faire le point et orienter les actions futures. Un calendrier est déjà élaboré. Rencontre avec les salariés des Eaux du Nord pour dépasser nos points de désaccord. Consolidation de notre argumentaire qui passe par un approfondissement de nos connaissances au plan technique, gestionnaire, juridique, etc. Des sessions de formation sont envisagées. D'autre part, la confirmation par LMCU d'un débat public sur le renouvellement de la concession à l'automne 2012 nous amène à activer notre campagne d'information. Conférence de presse vers le 20 mars, à la conclusion du FAM, et proposition d'un débat public réellement démocratique, pétition sur papier et en ligne, création d'un blog, courrier à destination des conseillers municipaux et rencontre avec les groupes LMCU. Tenue d'un grand stand haut avec toutes les organisations du collectif à la braderie. La prochaine réunion du collectif est prévue le 28 mars à 18h30 à Lambresse. Et enfin, les assises citoyennes de la dette publique et contre l'austérité, qui regroupent maintenant plus d'une trentaine d'organisations, alors associations, syndicats, réunissant aussi bien des AMAP que les indignés. Ce collectif est déjà une réussite dans le rassemblement de mouvements aux buts différents dans un objectif commun. Et comme vous le savez certainement par les annonces que j'ai faites au cours des émissions précédentes, mais aussi par les flyers et affiches diffusées sur la métropole et par la conférence de presse du mercredi 7 mars diffusée dans les quotidiens, nous vous invitons à venir vous informer et à participer à notre réunion publique intitulée « Sortir du piège de la dette » le samedi 17 mars de 14h à 18h à la MEP, Maison de l'éducation permanente. 1 place Georges Lyon à Lille, la station de métro la plus proche étant République Beaux-Arts. L'entrée est gratuite. Nous vous proposons 3 tables rondes pour vous informer, débattre et échanger. La première, dette au nord et au sud de la planète, de 14h à 15h. Au sud comme au nord, ce sont les mêmes qui creusent la dette et sont la cause de la misère des peuples. Avec pour intervenant, Damien Millet du Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde et des représentants d'ONG. Deuxième table ronde, l'austérité et ses conséquences, de 15h à 16h. Chômage, pauvreté. Cette crise entraîne des drames humains qui vont s'amplifier si l'on n'y met pas fin. Avec Christiane Marty, d'Attaque et de la Fondation Copernic, et des syndicalistes. Et troisième table ronde, comment sortir du piège, de 16h30 à 18h. La démocratie et la souveraineté du peuple, pour un audit citoyen qui déterminera la part de la dette publique illégitime, avec Esther Jeffers, du Conseil scientifique d'Attaque et Pierre Calfa de la Fondation Copernic. Des stands de documentation avec livres, brochures, communiqués, etc. seront à votre disposition. Des animations sont également prévues et, ce qui ne gâche rien, un bar tenu par nos amis du Café Citoyen vous accueillera durant les pauses. Il ne me reste plus qu'à vous dire, au nom du collectif, venez nombreux. Et bien entendu, ça ne s'arrête pas là.

Il y a l'État, évidemment, l'État français, mais aussi les collectivités locales et également la sécurité sociale. Donc, le plus gros dépenseur d'investissement en France, ce sont les collectivités locales qui représentent 70% des investissements. Voilà, donc deux choses bien distinctes. Le déficit qui est, bien sûr, annuel avec le budget de l'État et la dette publique qui, elle, une accumulation des emprunts de l'État. Alors, pour expliquer ce qu'on dit généralement, c'est que la France est endettée depuis des années, eh bien, on va écouter ce que nous en dit Laurent Cordonnier. Alors, d'où viennent les dettes publiques? Bah, écoutez, en cinq tirets, on pourrait dire les choses suivantes. Première chose à dire, même si pour un grand nombre d'entre vous, ça peut paraître évident aujourd'hui, mais je crois qu'on ne le répétera jamais assez, elles ne proviennent pas de la prodigalité folle des États qui se seraient mis à dépenser sans compter depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. En particulier, s'agissant du cas de la France, le maximum de la part des dépenses publiques, à la fois sécurité sociale et État, dans la richesse nationale, avait atteint à peu près 54% au tournant des années 94-95. Voilà, c'était le maximum. Et depuis, jusqu'à l'entrée en crise, c'était sur une tendance mollement déclinante, mais pour certains, c'est déjà trop. Ces dépenses publiques avaient atteint, avant l'entrée en crise, 52% du produit intérieur brut. Donc on était, au contraire, sur une pente de modération des dépenses publiques au moment où la crise financière a pris un tour spectaculaire. Donc ça ne vient pas de ce côté-là. Si on reste sur le diagnostic, sans donner les explications, ça vient plutôt du fait que les impôts qui étaient en progression jusqu'en 1995 et qui n'auraient pas tardé d'ailleurs à recouvrer le niveau de la dépense publique, si la progression des impôts avait continué au rythme où elle était pratiquée entre les années 90 et 95, eh bien, il n'y aurait plus eu de déficit budgétaire à peu près en 98. Voilà. Donc, vous aviez tassement d'un côté de la dépense publique et puis une progression des impôts qui a été stoppée brutalement et même inversée à partir de 95. Et les impôts se sont mis à ce moment-là à décliner, ça c'est vraiment le profil typique de la France, à décliner plus vite que ne déclinait la dépense publique. Et donc, comme vous le savez, la dette publique, c'est tout de même l'accumulation des déficits annuels des finances publiques. Donc si on maintient un écart, voire qu'on l'accroît entre les dépenses qui baissaient, mais des recettes qui baissaient encore plus vite, nous avons le diagnostic, sans avoir forcément l'explication économique, de la croissance de ces dettes. On vient d'entendre un enregistrement de Laurent Cordonnier lors d'une manifestation à Sciences Po le 22 février. On vient d'avoir la confirmation que l'État est trop endetté. Par contre, la répartition de l'ensemble des dépenses publiques a changé. Les dépenses des collectivités territoriales ont augmenté, conséquence du désengagement de l'État. Actuellement, la plus grande part des investissements publics repose sur elles. Les dépenses des administrations de sécurité sociale également, du fait de l'augmentation des besoins et du progrès des techniques médicales. Les dépenses de l'État, elles, ont diminué, passant de 25,5% du PIB en 1993 à moins de 20% en 2008. Pourtant, l'État doit gérer son budget en bon père de famille et toujours chercher à équilibrer ses comptes en faisant des économies. La règle d'or est-elle du simple bon sens? La règle d'or est quelque chose de dangereux aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'effectivement, le bon exemple, c'est le bon père de famille, c'est-à-dire quelqu'un, le père de famille, qui ne peut pas dépenser plus qu'il n'a de recettes par ses salaires ou par d'autres revenus. L'État n'est pas du tout dans cette situation-là. L'État peut emprunter au moment où il s'aperçoit que il n'a pas suffisamment d'argent pour investir, pour faire ce qu'il semble pour lui nécessaire de faire. Donc, l'État peut se mettre en déficit. La règle d'or, c'est jouer le bon père de famille, c'est interdire l'État, c'est interdire les déficits à l'État. Et j'en ai dit un mot tout à l'heure. La sortie de la crise économique des années 30, c'est bien la gestion avec par le déficit qu'on a pu le faire. Aux États-Unis, les grands travaux, le Missouri, l'aménagement du Missouri, du Mississippi, a mis du monde au travail, a permis de fournir des salaires qui ont abouti à de la consommation et qui a relancé l'économie. De façon générale. Voilà ce qu'on va nous empêcher, on en parlera peut-être tout à l'heure, ce que vont nous empêcher les gouvernements libéraux actuels, c'est précisément de faire cette relance par la consommation. Pour toi, Christian, en instaurant la règle d'or, le nouveau traité européen proposé par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy ne va pas rassurer les marchés financiers et résoudre la crise. Oui et non, justement. La question que tu poses là, c'est bien la difficulté. Parce que ce qui est dans la tête des gouvernements libéraux et de la Banque Centrale Européenne, c'est que les problèmes monétaires se règlent par l'austérité. Or, les marchés financiers ont déjà signalé que trop d'austérité vont tuer leurs ressources à eux, les intérêts qu'ils perçoivent sur les États. Et donc, vont poser d'autres problèmes. On est donc dans une forme d'impasse, mais je pense qu'il est surtout dû à une attitude véritablement dogmatique des États et en particulier de l'Allemagne. Mais si depuis 10 ans, tous les pays européens avaient imité l'Allemagne, est-ce que l'Europe irait mieux ? Alors là, on est dans l'absurdité. La question ne se pose même pas. On ne peut pas jouer comme l'Allemagne. L'Allemagne a joué son rôle, qu'elle a pensé bien faire, en travaillant à partir de la déflation. C'est-à-dire que depuis entre 2000 et 2010, peut-être que ça va changer aujourd'hui, l'Allemagne a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'augmentation de salaire. C'est le seul pays européen où il n'y a pas eu d'augmentation de salaire sur cette période de 10 ans. Et donc, pourquoi faire ? Eh bien, pour être compétitif sur le marché extérieur. Or, le marché extérieur, c'est précisément, souvent, pour l'Allemagne, c'est l'Europe. Et au contraire, les pays comme la Grèce, comme l'Espagne, l'Italie, ont procédé à des augmentations de salaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est effectivement à peu près l'inverse qu'il aurait dû avoir. L'Allemagne aurait dû augmenter les salaires, ce qui aurait permis d'avoir des débouchés pour les autres pays européens. Et par contre, pour pouvoir avoir des débouchés, les autres pays européens, je pense notamment aux pays que je viens de citer, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, auraient dû jouer la modération salariale. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Donc pour répondre à ta question, il est impensable que tous les pays européens fassent comme l'Allemagne aujourd'hui. Ce serait même un non-sens. Oui, il faut rappeler que l'Allemagne a trouvé sa croissance en baissant en fait les salaires. Oui, effectivement, et à l'importation de travailleurs turcs actuellement, en effet. Autre question, si la Banque centrale prêtait directement aux États, est-ce que cela provoquerait de l'inflation ? On est loin d'être dans une période d'inflation du fait que, justement, avec la mondialisation, les salaires sont tirés vers le bas, notamment par les pays émergents. Et l'inflation n'est pas à l'horizon. On se dirigerait d'ailleurs plutôt vers une période de déflation. Si les altermondialistes, si les gens d'attaque disent il faut que la Banque centrale prête aux États, ce n'est pas pour faire de l'inflation. C'est tout simplement pour alléger la dette des États vis-à-vis des banques, pas plus. Faut-il d'abord réduire la dette publique par la rigueur afin de relancer l'économie pour créer des emplois ? Les politiques d'austérité vont peut-être réduire très provisoirement le déficit. Elles vont surtout brider la demande intérieure, c'est-à-dire le marché intérieur, qui, dans les grands pays industrialisés européens, est le moteur de l'économie. Sauf l'Allemagne, qui a choisi depuis une dizaine d'années de jouer une autre carte. Donc une baisse de la demande, qui entraînera une baisse des commandes des entreprises, et donc de l'activité. Donc une récession et augmentation du chômage et de la pauvreté, d'où des baisses des recettes fiscales et un creusement du déficit, et donc un gonflement de la dette, difficulté de remboursement des encours et taux plus élevés des nouveaux emprunts, de là nouveau plan d'austérité encore plus drastique, et le cycle recommence. Oui, je voudrais en revenir une seconde sur la question si la Banque centrale prêtait directement aux États, ça provoquait de l'inflation. Je vais prendre la question à l'envers. En fait, pourquoi la Banque centrale ne prête pas aux États? Voilà la question qui serait intéressante de se poser. Eh bien, je vais le dire comme ça, c'est pour une question de morale. Dans l'esprit d'un néolibéral, si les États viennent chercher de l'argent, viennent se ressourcer à la Banque centrale, ils considèrent, les néolibéraux, ils considèrent que les États vont dépenser n'importe comment leur argent. Et c'est la façon dont je viens de le dire, c'est exactement ce qu'a dit à la télévision Thierry Langlais, le directeur de BFM, le directeur économique de la partie économique de BFM TV. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. C'est-à-dire que les États seraient amenés à dépenser n'importe comment. Bon, d'une part, c'est un peu crétin parce que les États sont quand même un peu responsables, il faut quand même le savoir. Et si on fixait des bornes, je pense que les États, dans ce cas-là, pourraient respecter les bornes. Mais je crois que la question aujourd'hui, pour la Banque Centrale Européenne, devrait être quelque chose qui ressemble à de la relance économique. Et on en est loin. Je voudrais vous faire écouter Thomas Coutreau qui nous dit en quelques minutes ce qui nous attend dans les années qui viennent. Il y avait aujourd'hui un magnifique tableau dans les Échos. Ils ont fait les vrais chiffres de la rigueur en Europe. Et les Échos eux-mêmes, qui n'est pas un journal gauchiste, hein, s'inquiètent. Parce qu'ils font le tableau, donc ils montrent, vous voyez, les plans de rigueur. Alors le plus gros, là, 232 milliards d'euros, c'est l'Italie. L'Italie a mis en place un plan de rigueur de 232 milliards d'euros. Vous voyez la Grèce, là, c'est pas très gros, hein. Le plan de rigueur de la Grèce par rapport à l'Italie, c'est tout petit. Évidemment, la Grèce est beaucoup plus petite que l'Italie. Mais donc la taille de ces ronds-là est proportionnelle à l'ampleur du plan de rigueur en milliards d'euros. Des plans de rigueur mis en place par les différents pays de la zone euro depuis 2 ans. Hein. Bah, l'Allemagne, c'est pas mal. L'Allemagne, qui est un pays qui soi-disant va bien, a mis en place un plan de rigueur pour 80 milliards d'euros. Bon. Donc on est embarqué. D'après les Échos eux-mêmes, les Échos nous disent qui sera la locomotive de qui ? Les plans s'empilent les uns sur les autres, inexorablement. Ça fabrique de la récession, ça menace de déflation. Bon. Donc c'est le journal des élites financières qui nous explique aujourd'hui que la politique menée par l'ensemble des pays de l'Union européenne est une politique suicidaire. Bon, alors, pourquoi la mène-t-il ? Donc, c'est vraiment la question qui se pose. Quand on voit ce qu'ils sont en train d'infliger à la Grèce, bon, je ne vais pas faire dans le larmoyant, mais quand on voit quand même ce qui est en train de se passer en Grèce, on ne peut qu'être particulièrement impressionné, quoi. On est en train littéralement de détruire les écoles, les hôpitaux, le système social. On est en train de détruire tout le système de négociation collective. Mais ça, c'est pareil en Italie, c'est pareil en Espagne, c'est pareil au Portugal. On a suspendu les conventions collectives dans tous ces pays. Alors la réduction du SMIC de plus de 20% en Grèce, c'est un véritable démantèlement. Mais c'est pas là pour le coup, c'est pas parce qu'on a dit, on a parfois un peu d'emphase dans les propos. Quand on a une réforme des retraites, on nous dit, on a tendance à dire, on est en train de démanteler le système des retraites, alors que la réforme de 2008 n'a pas démantelé le système des retraites, elle l'a grignoté. De façon importante, mais elle ne l'a pas démantelé. Là, on est en train de démanteler, dans le cas de la Grèce, et puis dans le cas du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, on est en train de démanteler l'État social, littéralement. Bon. Avec les conséquences, à court terme, que tout le monde connaît, que la presse économique bourgeoise connaît parfaitement, et qu'elle peut vous décrire par le menu. Bon. Pourquoi font-ils ça ? Bon. C'est parce qu'ils ont le souci du long terme, en fait, mais de leur long terme. Je pense que les élites dirigeantes européennes ont maintenant l'idée qu'elles ont une opportunité historique pour démanteler une bonne fois pour toutes les conquêtes sociales qu'elles ont été obligées de faire dans l'après-guerre et auxquelles elles ne se sont jamais résignées. Elles savent que ça va être très coûteux socialement. Elles le savent, elles l'écrivent. que ça va provoquer au moins une ou deux décennies de chômage massif, de troubles sociaux, d'augmentation massive de la pauvreté, de la précarité dans tous les pays européens, ils le savent, mais ils ont choisi de le faire. Et ça, je crois qu'il faut prendre conscience de la gravité de ce choix. Je crois que ce n'est pas une erreur de politique économique. Ce n'est pas un manque de clairvoyance. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils l'écrivent, encore une fois. Ils l'écrivent dans les Échos. On ne peut pas les taxer d'incompétence. On ne peut pas les taxer de cécité. C'est un projet, c'est un plan. Ils ont le souci de leur long terme. Et donc, ils sont prêts à encaisser une récession dramatique dans les 5 ou 10 ans qui viennent, une phase de longue stagnation, si ça leur permet ensuite de restaurer la compétitivité de la vieille Europe, entre guillemets, par rapport à leurs principaux concurrents à l'échelle internationale, qui sont évidemment les États-Unis et les grands pays émergents. Donc, on voit, si on comprend que le projet, c'est bien celui-là, qu'il ne s'agit pas de corriger des erreurs de politique économique, mais qu'il s'agit de s'opposer à un projet consciemment organisé de démantèlement de l'État social en Europe, ça nous donne une lecture un peu différente, de par exemple, de ce qu'est aujourd'hui ce projet de pacte budgétaire. Et cette politique d'austérité, on peut le dire pour conclure, ne pourra être menée par les États qu'avec de la violence contre les peuples, qu'avec, de toute façon, moins de démocratie en tout état de cause. Et je crois que c'est ça qui se prépare, et je fais référence ici à ce que disaient déjà depuis quelque temps Robert Castel et Emmanuel Wallerstein. Alors, on va faire une pause musicale. Attends, un petit mot, on va passer un morceau un peu spécial. Je suis allé chez un disquaire il n'y a pas très longtemps, et je suis tombé sur un CD qui a été édité au moment où c'était un peu dans les années 2000, où toute une démarche avait lieu pour faire prendre conscience de la gravité de la dette africaine. Et ce CD, de manière assez surprenante, en l'ouvrant, j'ai découvert que c'était plusieurs associations qu'on connaît bien qui l'ont, je ne vais pas dire édité, mais qui étaient membres, en gros, ils disent, d'une plateforme. On retrouve Attaque, et ouais. On retrouve le CADTM, on retrouve, il y a Emmaüs France, il y a le CCFD... on retrouve pas mal de réseaux type secours catholique, etc. Donc je l'ai écouté d'une oreille attentive. Et puis le morceau qu'on va passer est extrait de ce CD. Madame Afrique, qu'est-ce que vous avez maigri? Asseyez-vous, je suis le docteur Banque Mondiale. Je vous présente mon associé, le docteur FMI. Vous inquiétez pas, on ne vous fera aucun mal. On a enfin trouvé le médicament pour soigner et guérir votre maladie. Un comprimé dépasse tous les jours pendant 5 ans. Je vous assure, l'effet est garanti. S'en va rassurer, content de savoir que les choses vont changer. Mais dès le premier cachet avalé, les effets secondaires n'ont pas tardé. Licenciement, privatisation, suivi des pauvretés, soulèvement populaire, bonjour l'instabilité. Ils nous donnent de la main droite, européenne, de la main gauche, pendant que la misère, la faim et la maladie nous fauchent. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. à la fois à quelqu'un de courir et de se gratter les fesses. On demande au sud de serrer la ceinture pour que le nord puisse porter ses bretelles. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. Un jour mon grand-père m'a dit: si tu dors sur la natte d'autrui, dis-toi que tu dors à même le sol, parce qu'un jour il en aura à le bol. C'est bien beau d'imposer le café et le coton, mais quand nous avons faim, c'est pas ce que nous mangeons. Ils nous assomment à coups de dettes et s'étonnent qu'on ait mal à la tête. Même quand on a un président démocrate qui veut sortir son peuple de la misère, il se heurte à la politique des technocrates qui décide ce qui est prioritaire. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. La Banque mondiale et le FMI sont nés pour distribuer des cadeaux empoisonnés. Un peu de reggae après les choses graves et dures que nous avons dites tout à l'heure, c'était pas plus mal non plus. Je pense que nous avons des lectures maintenant. René, tu as quelque chose sur le feu, me semble-t-il. Oui, et bien justement, deux livres qui viennent de sortir récemment. Alors, le premier, Circus Politicus, de Christophe Deloire et Christophe Dubois, aux éditions Albin Michel, 21,50€. Nous glissons doucement, peut-être pas si doucement que ça d'ailleurs, de la démocratie vers l'oligarchie, une oligarchie mondialisée. Le pouvoir, le vrai, de plus en plus se concentre au sein d'institutions internationales indépendantes des États qui ignorent les peuples et méprisent le suffrage universel. Que ce soit au niveau européen, comme la Commission, le Conseil européen, la Banque centrale européenne, ou de la gouvernance mondiale, l'OMC, l'OCDE, le FMI, la Banque mondiale, etc. Instances opaques où s'est élaborée une culture non démocratique, où de puissants intérêts privés ont mis à bas le concept d'intérêt général, où se prennent en catimini des décisions qui, tôt ou tard, ont des effets majeurs et souvent négatifs sur nos vies, comme on le voit actuellement en Europe. Comment nos hommes d'État et nos politiques ont-ils pu accepter et finalement adhérer à cette nouvelle donne? Les auteurs nous invitent à remonter le cours de l'histoire, quand, peu après la Seconde Guerre mondiale, se créent des instances de réflexion et de concertation, comme le Forum de Bilderberg en 1954, la Commission trilatérale en 1973, et dans une moindre mesure le Forum de Davos, qui se réuniront régulièrement et où se retrouvent hommes d'État et chefs de gouvernement, grands patrons des multinationales, financiers, etc. Dès l'ouverture du premier sommet de Bilderberg, le ton est donné par Rockefeller lui-même. Le temps est propice pour que des individus du privé apportent une précieuse contribution aux politiques publiques. Contributions l'ont sans doute intéressé. Ces forums mondiaux, quasi-institutions, sont relayés par des cercles, clubs, etc., très sélects, où l'on entre en général par cooptation, comme par exemple le siècle à Paris. Ce qui constitue, in fine, un vaste réseau d'influence au maillage complexe et serré, sorte de pouvoir invisible qui, peu à peu, a réussi à orienter les politiques publiques. Comme l'avoue Pascal Lamy, interrogé par les auteurs, quand vous passez votre temps avec des banquiers et des grands patrons, vous finissez par penser comme eux. Nous nous apprêtons ici en France à élire, dans quelques semaines, un gouvernement dont bon nombre d'entre nous espèrent un changement de politique. Mais alors, me direz-vous, cela sert-il à quelque chose? Si le pouvoir a changé de main, que nos hommes politiques nationaux ne sont plus que des clowns et nos élections un grand cirque? Eh bien, je vous réponds, lisez ce livre, s'informer, c'est résister, et allez voter quand même pour marquer votre désaccord. Le vote est une conquête de la démocratie. Nos politiques sont peut-être des clowns, mais les lions sont dangereux. Ça, je cite une phrase de l'avant-propos des auteurs. Germain, à ton tour, tu nous as lu du Gérard Filoche, il me semble. L'idée là, c'est de vous présenter pas vraiment un livre en particulier, mais plus son auteur, donc Gérard Filoche, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Syndicaliste bien connu quand même. Moi, je l'ai connu assez tardivement. Je suis délégué du personnel là où je travaille. Et donc, ça m'a bien orienté vers la connaissance du Code du travail. D'ailleurs, notre émission de décembre était à ce sujet-là fort intéressante. Il faut préciser que Gérard Filoche est inspecteur du travail. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris ce qu'il a pu écrire ou énoncer. Donc, le livre dont je voudrais vous parler, ça s'appelle « Salarié, si vous saviez ». Alors, vous imaginez quand on tient un tel livre dans le métro, le titre écrit en gros sur la couverture, les gens vous regardent bizarrement. En tout cas, ce livre, c'est un petit peu un résumé de tous les propos qu'il a pu avoir sur les chaînes télévisées ou bien à la radio. Son thème principal, c'est la recodification du Code du travail en 2008, a transformé, a bouleversé plus profondément qu'on ne le croit la défense des salariés. L'idée, c'est que le Code du travail aurait, paraît-il, été recodifié, réécrit sans bouleversement, sans transformation majeure. Sauf que Gérard Filoche s'est attelé au décryptage des modifications et relate tellement de points qui ont fait perdre du terrain finalement aux acquis sociaux du XXe siècle qu'à ses yeux, ça vaut le coup d'aller le défendre bec et ongles sur les antennes. Et donc, ce livre retrace un peu tout ça, donne le point de vue de Gérard Filoche sur bon nombre de problèmes du moment, comme le livre est récent, donc l'austérité en fait partie. Mais c'est aussi un recueil, finalement, de chiffres et de références qu'il a collectés, qui sont d'une précision sidérante. Malheureusement, c'est un livre à lire d'une traite, et toutes ces références sont pêle-mêle au beau milieu de chaque chapitre thématique. Et donc ce livre aurait pu être une très bonne référence bibliographique, manque de peau, il faut se mettre des garde-pages pour les retrouver. C'est le petit défaut que je trouve à ce livre. Pourquoi est-il vraiment long ? Pas très long, mais quand il y a des pourcentages par exemple sur l'augmentation des salaires de la classe moyenne, je crois de tête, je n'ai pas la page justement, les marque-pages, je ne les ai pas tous mis, 4,3%, ce chiffre est tellement difficile à retrouver si on le cherche dans les chiffres de l'INSEE ou bien même sur Internet, que on aurait voulu le retrouver facilement dans cet ouvrage, sauf que il est au milieu, donc non, il n'est pas très long des 120 pages du livre. Donc ça s'appelle « Salarié, si vous saviez, des idées reçues sur le travail en France » de Gérard Filoche, aux éditions La Découverte pour 10 €. Je le conseille à la lecture. En fait, je conseillerais même plus largement de se renseigner sur Gérard Filoche, d'écouter les interventions radio qu'il a pu donner ces dernières années, voire même sur YouTube, pour pas faire de pub, aller regarder un petit peu ce qu'il a pu dire sur les chaînes télévisées. Vraiment, c'est un auteur à conseiller. Un livre maintenant de Maurice Lazzarato. La fabrique de l'homme endetté, essai sur la condition néolibérale. C'est aux éditions Amsterdam, ça fait 123 pages et ça coûte 8,50 €. Maurice Lazzarato est sociologue et philosophe. Cet ouvrage nous a été recommandé par un fidèle, autant que critique auditeur de notre émission, Édouard Hazard. Bonsoir Édouard, tu as fort bien fait de nous conseiller cet ouvrage. Je voudrais commencer par dire qu'il faut bien faire attention au titre de cet ouvrage, « La fabrique de l'homme endetté ». L'endettement, la dette, est un construit, pas seulement économique, dans nos sociétés, et ça ne date pas d'hier. Mais ce que nous montre en plus l'auteur, c'est que l'endettement nous va comme un gant à l'économie néolibérale. En conclusion d'un article de La Pompe à Finance, Frédéric Lordon, économiste lui, expliquait que finalement, le néolibéralisme, c'est l'économie de l'endettement. Endettement des ménages, des collectivités locales, des États. Cette conclusion, eh bien, elle aurait pu servir d'introduction à l'ouvrage de Lazzarato. La dette, dit-il, nous dépossède et notre dépossession est triple. Dépossession du pouvoir politique. Je pense que les Grecs savent de quoi il s'agit. Dépossession de la richesse passée, celle justement obtenue par les luttes, le plus souvent la santé, les biens publics, etc. Et pire que tout, la dépossession de l'avenir. Le temps, est-il démontré, est accaparé par le créancier. Le débiteur est libre, certes, mais ses actions sont conditionnées par le créancier. Parce qu'en plus de l'argent qu'on doit, il y a la morale. Putain de morale dont le créancier est le seul juge avec les moments de remboursement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de la frivolité des Grecs ? La dette vole le temps et la liberté de vous, de nous, de tous et des États. Un qui a bien compris ça, c'est le journal irlandais The Irish Times qui écrit ceci. En faisant appel au FMI, l'Irlande abdique officiellement sa capacité à décider de son propre destin. Alors, merci Édouard de nous avoir conseillé ce bouquin. C'est pas un bouquin forcément facile à lire, mais rassurez-vous, en dernière page du Monde diplomatique du mois de février, il y a tout un article de Maurice Lazzarato qui introduit parfaitement ce livre. René, tu t'apprêtais à enchaîner sur un deuxième ouvrage tout à l'heure. Oui, « L'oligarchie des incapables » de Sophie Coignard et Romain Gubert, aux éditions Albin Michel également, pour 20 euros. C'est la description, au niveau franco-français, du comportement de cette oligarchie multigenre dont je parlais en vous présentant l'ouvrage précédent. Les passe-droits et privilèges de plus en plus indécents que s'octroient nos politiques, à commencer par le couple gouvernemental. Comment nos hauts fonctionnaires, entre autres ceux des finances, qui certes avaient une attitude quelque peu aristocratique, imbu de leur mission, mais qui savaient défendre l'intérêt général face aux appétits du secteur privé, mais qui depuis le mélange des genres, qui s'est opéré dans les années 80, donc système des portes tournantes, allée du public au privé et vice-versa, sont devenus les plus ardents promoteurs du libéralisme et de la concurrence, tout en conservant bien sûr leurs emplois protégés et en ne négligeant pas de s'enrichir. Comment également la cupidité pousse les patrons des entreprises du CAC 40, qu'elles soient publiques ou privées, à exiger des rémunérations de plus en plus élevées, sans rapport avec leurs compétences et leurs résultats. Bref, un constat navrant de la déliquescence de cette élite autoproclamée, avec quelques anecdotes cocasses comme les magouilles et déboires financiers d'Ernest Antoine Sellière. Voilà, donc l'oligarchie des incapables aux éditions Albin Michel. Ok, bon, eh bien on va passer au rendez-vous d'Antoine. Antoine, qu'est-ce que tu vas nous proposer pour les 4 semaines qui viennent ? Eh bien, dans le domaine politique, et comme le rappelait René dans la rubrique actualité de la présente émission, des assises citoyennes de la dette publique et contre l'austérité traiteront de la sortie du piège de la dette. À l'initiative de Jean Gadret, celles-ci se dérouleront à la Maison d'éducation permanente, place Georges Lyon à Lille. 3 tables s'y succéderont de 14h à 18h, le samedi 17 mars prochain donc. L'oligarchie contre la démocratie. L'auteur de cet ouvrage et journaliste Hervé Kampft sera accompagné de l'économiste atterré, coprésident d'Attac France, Thomas Coutreau, qu'on a entendu d'ailleurs. Ensemble, ils expliqueront en détail le dictat des marchés financiers sur les États, la privatisation des biens publics et le détournement de la démocratie participative. Le Comité Nord des Amis du Monde Diplomatique vous donne rendez-vous au théâtre La Rose des Vents, boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq, le lundi 26 mars prochain à 20h. Après le succès de la soirée du 11 février dernier, l'association Chiche renouvelle sa dénonciation personnelle de la croissance du capital et de la consommation à l'aide de projections et de scénettes sur le thème « Travaille, obéis et consomme ». Amen, ton pèse reste le slogan de cette soirée ironique au cinéma L'Univers, 16 rue Danton à Lille, le samedi 7 avril à 19h. Attention, si vous voulez y participer, il est alors indispensable de réserver votre place auprès de l'association Chiche, parce que c'est limité le nombre de places dans ce cinéma, via l'adresse mail devenez-vous-même @amen-tompez.org, sans accent, en minuscule, d'un seul tenant. Cette fois-ci, le cabaret de l'Union s'intéresse au mécanisme du recrutement. La gueule de l'emploi est un film documentaire projeté à cette occasion avant un spectacle autour de la comédie du recrutement, puis d'un débat avec des universitaires au sujet des nouvelles pratiques du recrutement, et ce, entrecoupé d'un buffet offert. Ce sera au théâtre Pierre de Roubaix, situé au 78 boulevard de Belfort, je rappelle, à Roubaix, le vendredi 23 mars prochain, de 19h à 23h. En date anniversaire du mouvement du 22 mars 1968, Christian, peut-être ça te rappelle quelque chose. Une question voilà. De dortoir entre filles et garçons. Ça a commencé voilà, comme ça. Voilà. Une conférence sur l'engagement syndical étudiant hier et aujourd'hui renverra à la projection du documentaire L'UNEF et les frondes étudiantes, retraçant 50 ans d'histoire du premier syndicat étudiant, puis à un échange avec deux représentants syndicaux étudiants, Sud et UNEF. Cette commémoration se déroulera à l'espace culture de la cité scientifique à Villeneuve-d'Ascq le jeudi 22 mars, évidemment, à 18h30. À propos de revendications et à leur appel, partira la marche des indignés de Lille, on n'en parle pas trop souvent, mais je pense que ça serait l'occasion d'en parler, le samedi 24 mars, qui arrivera à Paris le vendredi 20 avril, en passant par les villes d'Arras, Amiens, Beauvais et Argenteuil. Assemblées populaires, débats, actions et tractages seront au programme. Pour plus d'informations, vous pouvez surfer sur les sites suivants www.reeldemocratie, sans accent d'un seul tenant, -lille.fr et www.marche-paris-2012.com. En écho à la dernière émission d'Angle d'attaque le 16 février dernier sur Radio Campus, Into Eternity, la gâchette nucléaire est un documentaire qui pose la problématique de l'élimination des déchets radioactifs sous l'angle de la temporalité. En effet, celui-ci évoque le creusement dans le nord de la Finlande d'une gigantesque grotte afin d'abriter des déchets nucléaires pour des milliers d'années. Cette séance unique à 2,50 € suivie d'un débat se tiendra au cinéma Le Familia, rue Jacquard à Halluin, à 10 km au nord de Lille, c'est près de la frontière belge, le jeudi 29 mars à 20h. Quelques jours après, une soirée débat marquera les 20 ans après Rio. Le développement durable a-t-il encore un avenir ? Pour répondre à cette question, Jean Gadré d'Attaque Villeneuve-d'Ascq, Mireille Aves d'Environnement et Développement Alternatif, ainsi que Roland Charlionnet de l'Espace Marc, interviendront à cette occasion à la MRES rue Gosselet à Lille le mercredi 4 avril prochain. Comme d'habitude, ce calendrier militant peut être retrouvé sur notre blog que je vous rappelle, www.attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'attaque, le jeudi 19 avril prochain, sera un melting pot de nos émissions passées sur Radio Campus. Et bien, nous serons alors à la veille des élections présidentielles. À bientôt. Merci Antoine. Je voudrais rectifier un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne s'agit pas de dortoir, évidemment. Il s'agit de résidence le 22 mars. C'est les garçons qui voulaient accéder aux résidences des filles. C'est sur le campus de Nanterre. Alors, j'y étais pas. Hein. On va terminer comme ça ce soir. Bonsoir à tout le monde. what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they what is what. Je vois toujours les banques prélever leurs intérêts à l'État, aux entreprises, mais ça reste nos deniers. On voit que sont ces intérêts qui sont prélevés. Les budgets de l'État devraient être plus équilibrés. Donc c'est sur le mercure en chrome, sur la jambe de bois. Et ouais, on le voit nous aussi, peut-être pas comme tu nous vois. Peut-être mieux même, c'est sur vue d'en bas. On voit bien la façon dont tu leur emboîtes le pas. C'est beau comme tu véhicules la justice par tes choix. Et si je fais front, c'est parce que moi aussi je te vois. T'es complexé, nabarré, le navire tangue. La bouche en cœur, la France est prête pour un nouveau gangbang. They know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. L'inquiétude et un ressentiment qui rassemblent. Joie et colère pour les vraies révoltes vont ensemble. Joie d'avoir résisté aux actes corrompus. Colère contre le pouvoir qui menace l'individu. On voit bien les mesures sociales, en fait libérales, qui sont pour le patronat et pas la masse salariale. On voit pas le mouvement populaire censé représenter ton gang, ta famille et pénicler l'UMP. On te voit depuis longtemps dire tout et n'importe quoi, et botter en touche à propos du pouvoir d'achat. Pourquoi monter des commissions pour ce qu'on sait déjà? Tu nous l'as bien mise et qui a bu boire. They know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know. J'aurais envie de dire aux Français ce qui plus passe en plus fort, car ils nous tueront à petit feu malgré tous nos efforts. J'ai du mal à avaler qu'on est privilégié avec 1 500 euros quand on est salarié. Pas du tout sur la fréquence, t'as pas la lecture de l'époque. On fait pas partie du CAC, on est pas tes potes. On a tous vu la BNP filer de la thune à ces traders. Avant de nous rembourser, il se sert, faut les remettre à l'heure. Et je vois toujours à l'horizon ton putain de bouclier, par lequel l'injustice sociale est aussi générée. Allons enfants de la patrie, sinon c'est le piquet. Le jour de gloire ne viendra pas, on piétine l'équité. They know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they know what is what, but they don't know what is what. What they C'est bien, arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. A gozar esta Navidad, también hay que gozar el año nuevo. Arbolito de Navidad, si no me das tu cariño me muero. Una copita de vino y otra copita de ron, y un son paisa colombiano para que alegres el corazón. Una copita de vino y otra copita de ron, y un son paisa colombiano para que alegres el corazón. Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad, ¿qué me vas a dar?